Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, on poursuit notre série spéciale Forum des jobs saisonniers organisée par la mission locale Loire-Touraine et la MJC d'Amboise qui s'est tenue le mercredi 12 mars au centre socio-culturel de Bléré. Un rendez-vous incontournable pour celles et ceux qui cherchent un emploi cet été dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie-restauration ou encore de l'animation. Aujourd'hui, nous donnons la parole à Cécile Cariou, propriétaire du château de Pré à Chargé et membre du collectif Amboise Recrute, ainsi qu'à Chloé Delègue, gérante du restaurant La Terrasse à Amboise. Elles nous expliquent toutes les deux leurs besoins en main-d'œuvre saisonnière, les profils qu'elles recherchent et ce qu'elles attendent de leurs futurs collaborateurs. Que vous soyez étudiant en reconversion ou simplement en quête d'une expérience enrichissante dans des cadres d'exception, cet épisode est fait pour vous. On écoute Cécile et Chloé qui nous racontent tout de suite dans ce mag. Nous sommes actuellement maintenant en compagnie de Cécile Cariou. Alors Cécile est propriétaire du château de Pré, également membre du club hôtelier, on la connaît très bien puisqu'elle nous parle également du collectif d'employeurs Amboise Recrute régulièrement sur notre antenne. Bonjour Cécile. Bonjour. Et puis, elle est accompagnée de Chloé Delègue. Alors, Chloé, elle est gérante du restaurant La Terrasse. Bonjour, Chloé. Bonjour. On va avoir plein de choses à se dire, évidemment, hein, mais on va en venir à cet objectif de cette journée du Forum des jobs saisonniers. Quels sont vos besoins à l'une et l'autre en job saisonnier? Alors, on a plusieurs types de besoins. En fait, on va avoir effectivement les contrats vraiment saisonniers liés à l'activité qui vont démarrer au mois d'avril et qui se termineront au mois d'octobre, où là, on va chercher plus des profils expérimentés, on va dire, enfin, des gens qui font des saisons, des gens qui sont issus de l'hôtellerie-restauration et qui vont venir renforcer nos équipes sur des métiers très spécifiques comme la réception, comme les cuisiniers, le service en salle, etc. Et après, on va avoir des petits postes qui sont plus pour les étudiants, où là, le rôle, ça va être plus dans des employés polyvalents, on va dire, ou des serveurs qui vont venir vraiment aider assez ponctuellement sur juillet et août les différentes équipes dans les différents établissements. Quand vous dites, Cécile, étudiant, ça veut dire que mineur inclus ? Ou pas? Alors, les mineurs, c'est toujours un peu compliqué, puisque la législation du travail nous empêche de les faire travailler le dimanche et que la plupart de nos établissements sont ouverts le dimanche. Oui. En revanche, dans les hôtels, peut-être un peu moins dans les restaurants, mais en tout cas dans les hôtels, on a des postes pour aider, par exemple, les personnes qui font les petits déjeuners, les personnes qui font les chambres, qui là peuvent être portées par des mineurs, parce qu'on n'est pas obligé de les faire travailler le dimanche. Et en fonction de l'organisation des différents établissements, on va trouver des établissements qui vont prendre plus facilement. Ok, bon, c'est un important de le préciser. Chloé, de votre côté, alors peut-être déjà pour commencer, Chloé, évidemment, vous l'avez sûrement déjà vu dans les médias locaux, puisque La Terrasse, voilà, alors que dire de La Terrasse? Il y a beaucoup de choses, les travaux rue Victor Hugo qui ont entravé évidemment l'accès à votre établissement, et puis bah, alors carrément le château qui était prêt à tomber, j'exagère un peu, mais voilà, c'est vraiment des cumuls de difficultés pour vous ces derniers temps, mais j'ai cru voir récemment qu'il y avait un petite solution de rebond là qui était prévue. Oui, bah du coup il a fallu se recréer et rebondir vite parce que des solutions. Et du coup nous on va se concentrer sur une location saisonnière. Donc nous aussi on va devenir saisonnier ailleurs. Et donc on a trouvé un local et on est en train d'acheter aussi un autre pour pouvoir garder aussi la terrasse via deux établissements. Il nous en faut deux pour sauvegarder un. Donc voilà, mais du coup ça ouvre aussi ce qui est top, c'est qu'on peut quand même embaucher et garder des jobs saisonniers à proposer quoi. On a des contrats d'avril à novembre et d'autres de juillet à août ou périodiquement là le mois de mai ça va être énormément de ponts, donc on va proposer beaucoup de petits postes comme ça. Voilà. Très bien. On peut en savoir plus sur le lieu où on va pouvoir revenir manger à la terrasse ou pas? Alors, encore pour le moment, je ne peux pas diffuser parce qu'il n'y a eu aucune signature officielle et puis j'ai pas envie de me porter la guine, c'est bon là. C'est pas pour vous, hein, mais... On comprend, aisément. Mais dès que je les ai, déjà pour un petit teasing, jeudi, on va signer un premier lieu, donc je pourrais déjà dire le premier, puis le deuxième, ça arrive tout prochainement. Super. Alors on va faire des saisons. Plus belle la terrasse. Voilà. Alors, il y a un événement qui va avoir lieu le 5 avril prochain. C'est le traditionnel, j'ai envie de dire, parce que c'est un événement qu'on retrouve chaque année. C'est le Job Dating, Café de l'Emploi avec des ateliers. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler toutes les deux, parce que vous êtes là-dessus toutes les deux? Eh bien, cette année, comme chaque année, début avril, on fait notre job dating avec des ateliers pour le rendre plus sympa. Vous pouvez être amené à faire des petits cocktails, vous pouvez être amené à faire un peu de préparation de cuisine. L'année dernière, c'était Art de la Table. Peut-être qu'on est en train de voir pour des petits ateliers pour animer le tout. Il y aura des employeurs d'un peu tous bords. C'est surtout saisonnier, mais... on a de tout, on a hôtel, restaurant. Oui, on a aussi des boîtes d'intérim, donc on aura divers emplois à pourvoir. Donc l'idée, là, c'est d'être vraiment au cœur de la ville pour permettre aux étudiants comme aux plus âgés de pouvoir venir nous rencontrer. Et sur un lieu géographiquement vraiment central, qui est le tunnel du château d'Amboise, un lieu un peu atypique, donc voilà, qu'on va aménager en essayant justement, comme le disait Chloé, de faire des ateliers pour que ce soit chaleureux et que ce soit attractif. Mm-hmm. Et puis on fait sur les horaires 14h30, 17h30 pour que tous les jeunes puissent venir en fait en pleine journée, comme ça voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Ouais. Et en plus ça correspond également au jour de la braderie d'Amboise, donc voilà, il va y avoir du flux et on espère avoir beaucoup de candidats. Alors si on veut participer, comment on fait justement? Alors, on vient juste dans le tunnel du château entre 14h30 et 17h30 le 5 avril. Tout simplement, on ne s'inscrit pas au préalable, on vient de manière... Oh bah c'est super souple, hein. C'est parfait. Ouais. On peut se décider presque au dernier moment et venir. Et en plus, là, on est au cœur du centre-ville, quoi. Vous allez boire votre petit café et vrai. Vous venez, quoi. Après, bien sûr, on travaille avec la mission locale, France Travail, etc. Donc, bien entendu, si vous voulez voir l'intégralité des offres qui seront proposées lors de ce job dating, vous pouvez passer par ces entités-là et leur demander plus de détails. Mais le mieux, c'est quand même de venir nous rencontrer sur place. Puis toutes les infos, on peut les retrouver sur www.amboiserecrute.com. Donc voilà. Après, c'est pas forcément que des jobs saisonniers. Hein. Ça peut être aussi des apprentissages, des stages. Oui, il y a les formations aussi. Il y a les formations aussi. Je pense notamment au Greta. Oui, il y a les organismes qui sont là pour proposer des formations aussi. La mission locale sera là également et la SAGE pour tout ce qui est logement. Donc les jeunes peuvent aussi venir prendre des renseignements sur du logement, de la formation, comme le dit Chloé. De la mobilité. Voilà, puis on a beaucoup centré évidemment sur restauration, hôtellerie, mais il y a aussi commerce, tourisme, accueil, vente. Donc ce n'est pas fermé. Exactement. D'accord, très bien. Il se tramerait pas un petit quelque chose pour le mois d'octobre? Et oui, parce qu'on a parlé de job dating, mais il manque un gros élément. Oui. La course des garçons de café. Bon, on ne peut pas trop vous en dire plus pour le moment. Que de mystère dans cette interview. Elle n'est pas annulée, la course des garçons de café, non. Mais ce sera plus tard dans l'année. On prépare un bel événement sur la fin de saison qui viendra clôturer la saison estivale, à l'instar de ce que peuvent faire les stations de sport d'hiver. Donc voilà, on a envie de faire un bel événement pour clôturer ça. Et du coup, bien entendu, on fera quand même notre course de garçon de café parce que je pense que celle-là, elle est incontournable. Mais on aura aussi plein d'autres surprises à proposer. Il y aura peut-être un dance floor, qui sait. Waouh. Mais peut-être. C'est super de voir que vous mobilisez pour dynamiser ces secteurs. Parce qu'on sait que c'est des secteurs qui sont relativement en tension, que c'est pas facile d'être attractif. Mais justement, si vous deviez donner des arguments positifs pour attirer des futurs collaborateurs. C'est un métier hyper polyvalent, on peut se recréer chaque jour, on peut se retrouver à postuler pour être serveur et finir à la réception comme chez Cécile ou finir dans la communication parce qu'en fait on est touche à tout. Où il y a des gens qui sont en formation et qui finissent par une reconversion chez nous, c'est un milieu très dynamique, on peut gérer de l'événementiel, faire des concerts, on peut avoir des cartes blanches pour apprendre, je sais pas, à créer des cocktails. En fait, on peut se former constamment, quoi. C'est vraiment pas métro boulot dodo, quoi. C'est ça qui est. Et puis c'est une ambiance soit saisonnière très dynamique, soit on peut complètement construire une vie autour de ça et avoir des plannings fixes, etc. En fait, il y a les deux possibilités. Ouais. C'est à deux poids deux mesures. Oui, c'est un secteur qu'offre ça, ouais. C'est ça. On peut être touché à tout. Et puis le jour où on a envie de se poser, on peut aussi se poser, quoi. Le responsable de salle ou les postes à responsabilité, on peut très bien avoir une vie à côté, quoi. On peut se former tout au long de la vie professionnelle, c'est effectivement, ça. Parce que on a pléthore de formations dans nos métiers et qu'on a des passerelles qui se font extrêmement facilement d'un métier à un autre. On peut évoluer très vite aussi. Puis c'est presque intergénérationnel parce qu'on parle de jeunes, mais on parlait du Greta tout à l'heure avec leur formation pour adultes. Ouais. On est vraiment là-dedans. Carrément. Ah oui, complètement. Moi, par exemple, en réception, j'ai quelqu'un qui a 52 ans, qui est en reconversion professionnelle, qui vient pas du tout de ce milieu-là et qui, pour finir sa carrière, voudrait ouvrir un hôtel. Et donc, il a besoin de se former. Donc, du coup, il est venu en réception pour faire un passage, pour ensuite, derrière, faire autre chose. Chouette. Donc, voilà, c'est... Oui. Et puis, c'est des métiers qu'on peut faire partout. C'est-à-dire quand vous savez servir ou cuisiner, vous pouvez le faire en Australie, aussi bien qu'en France, aussi bien qu'au Japon. Enfin, peut-être pas au Japon. Mais... voilà, en Espagne ou autre. Donc, en fait, on peut aussi allier le travail au loisir et à la culture. Et voilà, c'est des métiers vraiment très dynamiques, en fait. Et puis dans les équipes, il y a vraiment deux types d'équipes, quoi. Il y a celui qui va être là à l'année et qui du coup aura sa stabilité à lui et les contraintes qui vont avec. Mais parce qu'il y a aussi des saisonniers qui veulent que ça, travailler, être dans le dynamisme. Et du coup, cet équilibre, il est faisable et on peut accueillir tout type de public, quoi. Il y a des saisonniers qui sont de nouveau saisonniers l'année suivante parce qu'ils ont adoré leur expérience de l'année précédente et qui reviennent. Oui, il y en a qui sont vraiment... nous, on a des petits jeunes et on a aussi... ceux qui veulent juste avoir 6 mois et puis faire 6 mois de pause, quoi. Enfin, y a tout type de profil, quoi. Ou 6 mois à l'étranger. Ou 6 mois sur les pistes de ski. Oui, voilà. Alors nous, on a une saison longue, donc c'est pas facile de faire les pistes de ski en même temps que nous. mais ils peuvent faire PACA et les pistes de ski. Et il y en a beaucoup qui font ça. Les premières années, ils tournent sur des saisons, ils se font de l'expérience et après, ils se posent quelque part, comme dit Chloé, une fois qu'ils ont rencontré leur conjoint, leur conjointe, qu'ils ont envie de fonder une famille, ils se posent. Temps pour tout, évidemment. Exact. Eh oui. Puis surtout, on est super sympa, donc en fait, faut venir chez nous parce que Ça se ressent. Hein. Je pense que nos auditeurs sont absolument convaincus. Donc, rendez-vous pour vous rencontrer le 5 avril. Ce sera le samedi de 14h30 à 17h30, tunnel du château à Amboise. Et puis, si vous avez envie de postuler pour aller soit au château de Pré rencontrer Cécile ou alors au restaurant La Terrasse rencontrer Chloé, ça se passe sur Amboise Recrute pour avoir toutes les infos. Merci à toutes les deux. Merci Marlène. Et oui, les opportunités ne manquent pas pour celles et ceux qui veulent travailler cet été dans des lieux d'exception. Merci à Cécile Cariou du Château de Pré à Chargé et Chloé Delegue de La Terrasse à Amboise pour leurs témoignages et leurs conseils aux futurs saisonniers. Ce n'est pas fini, demain on poursuivra notre tour des employeurs avec Françoise Morier, assistante de direction au château de Chenonceau qui elle aussi est à la recherche de saisonniers pour la belle saison. Restez donc à l'écoute et à demain dans un nouveau mag.